L'estuaire contient les cris. L'estuaire contient les cris de la vague empêchée. Elle n'attend plus qu'un signe pour prendre son ampleur et atteindre l'oiseau, ce compagnon narquois.